Elle m'a dit faut rester fort. Écoute-moi, j'ai le cancer et dans mes poumons ça va pas. Le prochain repas cancer, n'en va pas le dire à ton papa. Je suis malade et j'ai plus de force. Quand il faudra le dire à personne, j'ai du mal à moi perso. Non, va pas le dire à ton frère. Écoute mon gros, c'est notre secret. Je suis seul depuis tout ce temps et je veux pas que la pitié secret. Je vois plus mes filles, je vois plus ma fille. Je bois plus mes jambes maigries. Comprends que la maladie m'a fini. Regarde les roses s'affanent. Regarde-moi, je t'aime. Une tumeur dans ma tête s'affale. Bientôt j'ai plus de cheveux. Fini de laver dans leur bar. Pointer les tickets des cheveux. Ouais, regarde, c'est bien ma maille. Regarde comme je suis belle. Ici les cachetons, c'est de la balle. Ouais, je sais que t'es triste, mais bon, t'inquiète, on sait de là-bas. Je revois du monde et ça me fait vivre. Allez, reviens, fais vite. Mon gros, pourquoi tu pleures? Et puis dis-moi pourquoi tu pars. Une femme séchera tes larmes, puisque l'amour, ça ne tue pas. Ma mère aux pompes funèbres, je parviens d'un corps sans vie. On parle pas ma douleur à toi quand tu t'écorches en ville. Et je vois quand tu t'écorches en ville. Et je vois quand tu t'écorches en ville. On m'a dit, profite de celle qui t'aime, n'en vis pas celle de l'autre. Ma vie c'est 4 sur 26, on protège ta mère, elle s'aime de l'autre. Elle a donné la vie, écoute ma sœur, c'est la plus belle. Je gardais tout pour moi, mais pas lui dire, serait la plus bête. Des erreurs que j'ai faites, écoute, je te dis, je t'aime. Et regarde-moi dans les yeux, j'entends plus de paroles d'une femme depuis que maman crie dans les yeux. Et je me dois d'en parler d'elle. Pareil qu'on parlait d'elle, pareil qu'on passera par l'Éden. Elle vit dans mes chansons, le temps que j'en rêve encore, je t'écarterai de tous ces chansons. Dis-leur à tous comment j'ai le seum. Et tout seul, j'ai bouffé le sol, versé des larmes salées. Trop de poids sur les épaules, je crois qu'il est temps que tout ça s'allège. Et regarde, j'ai passé l'âge, je veux pas finir tout seul. Demain c'est loin, demain c'est là. Et puis le temps passe, hélas. Je suis seul face à ma merde. Je rendrai des comptes, mais quand je serai seul face à ma mère, j'espère que tu comprends. Fallait que je remémore. Lis bien dans toutes mes peines, tu trouveras l'amour dans mes mots. Je vais t'écrire une chanson, c'est mon échappatoire. J'oublierai plus de dire les mots, sinon les anges s'échappent à toi. Mon cœur, c'est pas de la brique, hein. Rends ma jambe vers tes larmes. T'as mal au crâne, je l'ai senti fort. T'as besoin d'un actif être, c'est senti fait, n'est faut y faire. Rien à faire, je pense à Marie. J'sais même pas ce qui m'arrive. Et puis merde, à quoi ça rime? Là, j'suis perdu dans mes pensées. C'est l'amour était de l'oseille, bah merde, j'ai même pas dépensé. J'prenais son silence comme veilleuse. Quand je regrette ses silences, j'avoue, j'en ai pris plein les yeux. Et son sourire lui vaut de l'or. J'tenterai pas de le voler, mais j'ai besoin de prendre de l'air. Faudrait que je remette de l'ordre et puis que j'arrête de prendre de l'herbe. C'est pas la même parole d'un homme. J'ai du mal à l'admettre, elle est bien dans les bras d'un autre. Et j'ai peur de faire du mal sans aucune couple étrange. Morale dans mes chaussettes, la tête à côté de mes bombes. Promets-moi de plus juger les gens. Ton courage vaut plus que le rap, sans toi je me pèterai les jambes. Et rien de réconciliant, je rappe mes regrets dans une fable. J'ai compris son silence, j'ai compris la parole d'une femme. Et Marie qui est passage, je te vois plus, t'étais de passage. Je te vois plus.